La porte et la serrure. Cherchant à attribuer un poste important à la cour, le roi réunit tous ses courtisans pour les soumettre à une certaine sélection. Des hommes forts et intelligents entourent le roi. « Vous, homme sage, dit le roi, j'ai un problème et je veux voir qui parmi vous est capable de le résoudre. » Il les conduit tous à une énorme porte qui a une gigantesque serrure. Personne n'en avait vu de pareille auparavant. Le roi explique alors. « Ici, vous voyez la plus grande et la plus lourde des serrures qui existent dans mon royaume. Qui parmi vous est capable d'ouvrir cette serrure ?» Un groupe de ceux qui se trouvent là secouent la tête et disent « Non, ce n'est pas possible. » D'autres, plus intelligents, examinent attentivement la serrure, mais doivent admettre finalement qu'ils ne peuvent rien y faire. Lorsque ce groupe d'hommes intelligents décide de laisser tomber, le reste du groupe accepte à l'unanimité que ce problème est beaucoup trop difficile à résoudre pour eux. Il y a juste un ministre qui va vers la serrure, l'examine attentivement, essaie de bouger la serrure de différentes manières et qui, finalement, commence à la tirer fermement. Et alors, la serrure s'ouvre. En fait, elle n'était pas fermée. Il fallait juste avoir du courage et de la volonté pour comprendre cela et pour agir de tout son cœur. Le roi dit alors, « C'est toi qui auras cette fonction à la cour, puisque tu ne te fies pas uniquement aux choses que tu vois et entends, mais tu n'hésites pas à mettre toutes tes forces pour oser quelque chose. » C'est un conte oriental.